C'est ainsi que vous rejoignez Eugène Dubois-Gâté, vêtu d'une houppelande de lichen pareille à la tienne, passeur d'eau. Vous réfugiez dans ses bras Je ne l'ai plus. vigoureux. Je l'ai donné à... Oui, mais c'était celle que t'avait donnée ton ami Amédée. Oui. Vous réfugiez dans ses bras vigoureux, largement ouverts sur vous. Il y a encore une vague odeur rance qui émane de son corps. Est-ce la pluie qui ruisselle ou les restes de cet infâme champignon? Est-il né de la pluie et de la nuit ou a-t-il surgi à point nommé? Vous entendez alentour bruire le bois gâté. Ah, mais vos enfants, vous êtes arrivés à point nommé. Votre éphémère a rencontré la mienne. Et nous pourrons enfin ensemencer. Venez vous réfugier dans ma galle. Nous pourrons paisiblement deviser. Alors, qu'as-tu pensé de cette session, Gabriel? Alors, pour moi, c'était en partie un, déjà, c'était en partie un playtest de Sève. Non pas sur le Sève qu'on a testé la dernière fois. Ce n'est pas le même Sève. C'est un Sève en carte blanche, tout d'abord. Il y a un rôle du MJ qui est beaucoup plus affirmé. On est beaucoup moins dans un échange. Enfin, les. C'est plus directif, ouais. Oui. Et puis. On est aussi dans une certaine aventure. Donc, je trouve, pour le moment, pour là, ce qu'on a fait à notre table, que le carte blanche va en fait être un peu plus resserré. Enfin, ça va être moins de liberté donnée à chacun, mais qu'on va aller plus loin, qu'on va avoir une intrigue bien plus cernée, alors que en carte rouge, on a énormément de possibilités, on va avoir des échanges très très variés et assez égaux finalement en fait, mais l'intrigue va rester assez embryonnaire. C'est on choisit soit l'intrigue est au premier plan, soit elle est au second plan. Enfin, pour moi, c'est là toute la différence suite au playtest. Et donc, ça m'a aussi plu, même si je suis pour ma part plus partisan du carte rouge. Oui, je me suis senti impliqué dans l'action. Je me suis senti important dans l'action. Et oui, je pourrais. Enfin, ça m'intéresserait d'y rejouer après. À savoir quand, dans quel contexte, ça reste encore à définir. Quant à la fiction en elle-même, est-ce que tu avais quand même la possibilité de créer quelque chose, Oui. soit en tant que joueuse? Oui, au début, j'ai mis, notamment sur toutes mes attaches, il y a eu une part de création. J'ai importé la Quetzalcoatl là, sous forme de l'Oiseautant en Picardie, parce que les Aztèques ne sont pas qu'au Mexique. Mais notamment l'apport de Père Moteur, tout un mysticisme qui était propre à mon personnage et pas beaucoup aux autres. En fait, l'histoire a quand même été assez resserrée sur les attaches qui composaient Le mien de la... personnage est assez peu sur les autres. La preuve à la fin là, on avait. En fait, c'est moi qui ai misé tout, parce que sinon, on n'avait rien, tout bêtement. En revanche, ça m'a montré, là, sur ce deuxième playtest, plus encore que le premier, où on n'avait pas trop utilisé la mécanique pour être sur l'esthétique, qui est aussi un point. Enfin, c'est à la base la V1, donc la version que j'avais écrite avant le brevet blanc, enfin, non, pas, avant le brevet blanc de l'oral. S'intéressait quasiment qu'à ça, à cette esthétique. Et donc on était resté dessus en carte rouge, mais mes anciens playtests étaient aussi sur de la carte rouge, donc ça explique un peu le pourquoi du comment. Et là, on est beaucoup plus sur le gameplay, comme pour utiliser un terme anglo-saxon. On voit à quel point, enfin, moi ça m'a montré beaucoup plus à quel point c'était létal de voir faut tout miser sinon t'es sûr de perdre, grosso modo. Et on rentre beaucoup plus dans la dynamique de base qui était soit tu gardes ta sève à tout prix, tu ne risques rien, mais finalement tu deviens le monstre à abandonner tout pour ta propre survie. Soit tu risques d'y passer à chaque fois, mais tu vas ensemencer ta sève, tu sais que tu vas mourir un jour, et puis tu fais quand même, tu essayes de vivre ta vie au mieux. C'est deux façons d'envisager la sève, c'était les deux façons antinomiques, enfin les deux extrêmes qui étaient proposés dans Sève, la version de base. Et je trouve qu'avec la notion de mise d'attache. Après, ce serait bien de pouvoir en rajouter des attaches parce que. Alors, on a dans la partie, tu as eu l'occasion d'en créer. J'ai eu l'occasion d'en créer, mais j'ai eu surtout l'occasion Non, d'en d'en perdre. perdre. Voilà. On peut. Il y a une dynamique ambivalente dessus. Mais tu avais la main, toi, en tant que joueuse, pour en créer plus. Mais là, il faut. Ça implique. D'être acteur encore plus. J'étais pas tellement acteur, ça pour le coup, ouais. Ce que je veux dire, c'est pour concrétiser une nouvelle attache, il faut l'évoquer par la fiction, et donc c'est au joueur de prendre L'ascendant. l'ascendant sur la fiction. C'est bien parce que je commence à avoir t'en parler, et du coup, On on se trouve les complète. mêmes mots. Donc, est-ce que pour toi, c'est ce que je viens de suggérer à la fin participe aussi de ton ressenti? Oui. Très bien. Alors, on n'a pas. J'avais évoqué la dernière fois que le jeu avait deux aspects, c'est éventuellement regagner les nouveaux états de la sève. Mais comme là, tu as triomphé, t'as pas à les regagner. On n'avait pas cette perspective-là. T'as pas eu tu t'es pas vu infliger de souffrance. La souffrance, c'est tout entière Léontine qui l'a absorbée. Mais votre intervention a rejailli et a fait disparaître la menace constituée par le charançon. Après, il y a aussi un truc qui me. Notamment là, via le Apo, le fait que j'ai descendu le mien et que j'en jouais. Ben, on est. Certes, c'est du gadget, mais. Enfin, je sais pas, moi, à la table, ça m'a. Ça Ça m'a. favorise L'immersion, l'immersion. je Ouais. trouve. Ouais. Je trouve aussi. Et ça avait vraiment le fait que tu l'aies joué, il y a deux moments où tu l'as joué, et à chaque fois, ça a créé quelque chose. D'ailleurs, je laisse là, ça pourrait être utile dans une prochaine partie. Et puis. Après, à la base. Pour pas te mentir, l'instrument, moi j'avais commencé à dire père moteur, ouais mais père moteur, bon bref. Et puis à un moment je m'étais rabattu sur le hapeau. Sauf qu'à la base je savais pas quel hapeau définir, si c'était l'oiseau temps, parce que j'avais déjà le pendentif. Et je me disais, ouais je pourrais faire un hapeau pour apaiser le marais, le crapaud maître du marais. je me disais que ça pourrait être riche, machin, qu'en plus j'avais pas besoin de gadgets, ça je le sais faire rien qu'avec ma gorge. Mais alors déjà je me suis dit, si je me foire, ça va être assez ridicule. Et de deux, si j'ai qu'un truc de chaque, ça risque de foirer. Et puis le fait que j'ai consolidé Oiseau-Temps et la dynamique de là du passeur d'eau avec permoteur, bah je trouve que c'est, et d'ailleurs tout ça a été, ça a pas été dit, mais tous les traits qui sont ici que j'ai utilisés ont été d'abord définis en aléatoire via l'étape de fripouille, et en fait c'est en les redéfinissant, en cherchant une certaine résonance, que on a, pour une fois l'aléatoire me sert, et là ça fait un personnage qui résonne dans deux grosses dynamiques, donc l'eau et l'oiseau. On est quand même un peu à la Prévert finalement. Oh, oiseau, c'est pas très, enfin s'il y a l'eau et puis l'oiseau dessus, mais c'est pas. Ah, quoique, ça fait une jolie image, le passeur d'eau qui est un oiseau. Oui, passeur d'eau qui devient un oiseau et qui est un arbre, le lien entre la terre et le ciel. Dernier point que je souhaite aborder, c'est une question ouverte, tu réponds en toute liberté. Est-ce que l'utilisation de supports sonores t'a semblé pertinente sur la partie ou pas ? Oui. Notamment du Hardzoid et puis des musiques assez qui sont pour nous assez classiques quand on joue du Milvo, ben je trouve que ça a toujours son importance et ça favorise, tout comme le gadget de la peau, ça favorise l'immersion qu'on peut avoir. Après, c'est moins comme dans Terre de Sang, où dans Terre de Sang, quand on avait essayé un court moment la musique, puis on avait arrêté, mais c'est pas, on cherche, déjà parce que c'est, on cherche pas à égaler le rythme de la musique, parce qu'en fait la musique elle est plus comme vraiment thème de fond, on la prend pas forcément en compte, c'est juste pour nous, pour nous immerger, et puis peut-être bien l'écoute, enfin je sais pas au niveau de l'écoute, mais dans Terre de Sang ça nous avait, on était aussi dans une certaine recherche de la poésie machin, et enfin Terre de Sang et Milvo plutôt, et on avait très vite arrêté parce que ça nous avait, c'était contre-immersif, voilà. Et là en fait au contraire je trouve que la musique elle remplit le rôle habituel qu'elle a quand on est en... Il y a peut-être aussi du fait qu'on était en carte blanche, et non pas en carte rouge. Je ne sais pas trop ce que ça fait en carte rouge, parce qu'en carte rouge, on ne veut pas trop utiliser de musique, voire même pas du tout. Enfin, un tout petit peu au début, et puis c'était vraiment très embryonnaire. Alors, je saurais pas dire si c'est du fait de la seule carte blanche, ou simplement du fait que... Terre de Sang et Milvo, en soi, il est pas si milvalien que ça, ce jeu, je trouve, parce qu'il est surtout, pour moi, il résonne plus Terre de Sang que Milvo, y compris la façon dont on l'a joué. Et donc, peut-être que c'est le rôle de la musique qui est remis en cause, parce qu'avec Milvo, on a une façon assez différente de gérer la musique. On n'avait pas la même façon dans Purple Haze, enfin le jeu de Thomas Redger, Lucas, je vais arrêter de dire des trucs parce que les deux noms de jeu, ouais. Donc le jeu de Lucas Redger, j'ai plus son nom en tête. On avait aussi une façon, et on jouait à la musique, mais c'était déjà une proposition du jeu. Donc, est-ce que c'est dû au jeu Terre de Sang et Milvo que on n'avait pas, finalement, on s'était arrêté sur la musique et qu'on l'a peut-être pas relancé dans Sèvres pour éviter de refaire l'erreur. Enfin, c'était peut-être pour ça qu'on n'avait pas mis la. Alors, dans Terre de Sang et Milvo, c'est une recommandation qu'elle soit peu présente ou qu'elle constitue juste un tapis de fond ne bride pas le rythme ou l'imagination de chacun. Et en fait, on avait pris du hard rock classique, c'était une musique de fond, on était dans le thème et en fait ça a bloqué. Alors ce blocage explique, je pense, en partie pourquoi on n'a pas testé avec Sève en version carte rouge, mais là, en testant avec carte blanche, ça marche très bien. Du coup, je me demande, est-ce que c'est vraiment Milvaux qui fait que la musique est... Parce que pour moi, Terre de Sang et Milvaux, c'est beaucoup moins milvalien que Sève, etc. Ça peut l'être, mais la façon dont on l'a joué, elle était vraiment très en marge du Milvaux. J'ai trouvé que c'était plus du Terre de Sang, de ce que j'ai lu de Terre de Sang et que du Milvaux classique. Je me souviens aussi des critiques de Thomas à la fin, sur la deuxième partie de Terre de Sang et Milvaux qu'on avait fait, où on prenait des libertés très très avancées avec la proposition de Milvaux en tant qu'univers, où on avait fait des entorses à l'univers de base, mais en soi, j'ai envie de dire, on est dans un jeu, l'univers de Milvaux, c'est toujours une question de... C'est jamais une question d'absolu, c'est toujours une notion de perception différente, et on le voit bien, dans Milvaux, il y a des tonnes de façons de le faire, il y a... Quand on voit, par exemple, sur son forum, Outsider, quand on voit les comptes rendus de partie, alors il y a du... Il y a vraiment différentes façons, des intrigues très différentes, des choses très différentes dans Milvaux. Et donc, alors, c'est parce qu'on a fait des entorses, peut-être, que ça nous a changé du Milvaux habituel qu'on avait l'habitude de jouer. Ouais. Et je me souviens des reproches qu'avait fait... Thomas, qui était plus sur le Milvaux que finalement sur le Terre de Sang, et Simon Lee, qui trouvait qu'on avait fait un truc génial, peut-être même mieux que ce qu'on avait fait la première fois, parce que la première fois, on avait fait, cette fois-ci, des entorses à Terre de Sang et Milvaux, parce qu'on avait des intervenants avec nous, voilà, donc on avait fait les deux. Et dans la première, on n'avait pas testé la musique. Dans la deuxième, on a testé la musique. On a fait des entorses à Milvaux. On n'était plus tout à fait dans la même version. Et puis, ça n'a pas marché, la musique. Et je me demande si c'est plus parce qu'on s'est intéressé à Terre de Sang à Milvaux, qui est un jeu génial, je suis d'accord. Mais les deux sont géniaux. Mais après, on ne peut pas les jouer. On met forcément l'accent sur l'un des deux, soit le jeu, soit l'univers. Ouais. Et là, je me demande, parce que c'est vraiment dans du Milvaux, c'est en plus, j'avais été vachement inspiré par Terre de Sang, là, pour la V1. C'était Terre de Sang, Choubnigorat, et puis peut-être Arbre. Ou... c'était les trois jeux auxquels on avait joué beaucoup cette période-là. Du coup, c'est beaucoup plus ancré dans Milvaux, je pense, que Terre de Sang et Milvaux. Et même en classant, j'ai retrouvé mes essais sur Sève cet après-midi. Et tu m'avais imprimé les réponses sur courant alternatif pour la base. Et je me souviens qu'il y avait Simon Lee qui m'avait répondu en voyant la proposition sur courant alternatif. Ouais. Et qui trouvait que la sève, qui était un élément important, était pas assez développée en comparaison de Milvaux, parce que je fais une page et demie environ en docs, sur le traitement de texte. Ouais. Et que finalement j'avais beaucoup traité de Milvaux, et même quand je m'y suis réessayé à refaire Sève après les critiques étaient très constructives de la part de Thomas et de Angel Dust, ouais. Simon Lee comme on veut, j'avais continué à prendre Milvaux très très au centre de la construction, puisque ce jeu Sève était pour moi dédié à Milvaux. J'avais mis Il y a eu des sous-titres changeants, je sais, et là encore, c'est pas du tout ce que j'avais proposé à la base. Mais à chaque fois, il y a la notion de forêt, la notion de Milvaux. La première fois, j'avais écrit Milvec sur la box avant que tu le modifies. On est toujours dans du Milvaux, et c'est vraiment très milvalien, Sève. Enfin, le concept de Sève, je l'ai développé dans Milvaux. On avait peut-être playtesté non pas Fripouille, mais le jeu OSR de Thomas, qu'il avait voulu faire OSR. Écorce, je crois qu'on l'avait déjà testé. Il y avait une notion de point de vie mis en sève. Et c'était un jeu assez létal, là aussi. Et donc, je pense qu'entre arbre, avec la notion de sacrifice qui est aussi dans sève, et que le terme de sève, en fait, je l'avais trouvé très bien quand même pour une notion de point de vie. Qu'en fait, je me suis demandé si, comme chaque jeu de Thomas, enfin chaque jeu sur Milvaux, parce qu'il n'y a pas que les jeux de Thomas pour le coup, il y a aussi toi pour les murmures de Choubnigorat qui sont très portés sur le Horla et la transformation du Horsin en Horla. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas prendre les mécaniques classiques du. Enfin, c'était ma réflexion de base, les mécaniques classiques qu'il y a dans quasi tous les jeux de Thomas. C'est-à-dire notamment les points de vie. Et là, c'était le premier truc. Et d'en faire un jeu. Donc là, c'est un jeu, entre guillemets, sur la notion de la vie, du point de vie. Alors que Thomas a fait beaucoup sur les 7. Alors c'est 7 ou 6. Les 7 entités là, qui composent Milvaux à chaque fois. Emprise, égrégore, bois, ruine. Oubli, et il m'en manque un dernier, emprise, forêt, j'ai déjà dit. Ruine, forêt, oubli, égrégore, emprise, Horla. J'oublie emprise, je crois. Voilà. Donc, ouais, c'est à chaque fois 7, et en fait, la vitalité. 6, pardon. Ouais. La vitalité, elle se retrouve dans tous les jeux à peu près. Enfin, d'une certaine façon, de toute manière, c'est dans tous les jeux de rôle, et puis je trouvais que. Faire entre guillemets une réflexion sur la vitalité dans Milvaux, c'était la base. Alors qu'à la base, Terre de Sang et Milvaux, c'est une réadaptation de Terre de Sang, qui est aussi un jeu superbe, je trouve. Et donc, il y a beaucoup. Enfin, c'est moins centré sur Milvaux, et donc, c'est une façon différente, une acception différente qu'on doit avoir, notamment au niveau de la musique, au niveau des mécaniques, au niveau de l'adaptation. Je pense que la mécanique de base influe beaucoup sur le jeu. Et que donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup réfléchir à la mécanique avant de foncer tête baissée dans un univers. Ça, je l'ai plutôt, alors qu'avant, je m'amusais à faire plein de hacks, tous plus foireux les uns que les autres, de plein d'univers différents sans vraiment réfléchir à ce qu'incluait le mécanisme dans la façon de jouer, et que je le faisais pas trop avec vous, mais avec mes potes collégiens, ouais. Et donc c'était beaucoup moins, et en fait c'était beaucoup moins intéressant, parce que j'ai vraiment pas cette acception là, en plus on est dans du classique, lance TD, etc. En jouant à Milvaux, il y a des jeux plus branchés narrativistes, je trouve ça beaucoup moins bien, la dynamique OSR, mais avec la Fripouille et quelques autres jeux, il y a la notion d'émergence qui est plein dans l'OSR, qui me permet de me raccrocher au truc, et puis après on joue à de l'OSR aussi pour faire plaisir à Mathieu, parce que Mathieu et Milvaux, c'est pas tout à fait... D'accord, ouais. Alors voilà, et c'est un moyen de faire plaisir à nous trois pour qu'on se concentre sur la table. Enfin, pour qu'on s'amuse à la table, et que la table soit quelque chose de fécond, en plein de réflexions, et qui nous permette, entre guillemets, de plus encore améliorer nos parties. Enfin, pour moi, c'est grâce aux parties précédentes qu'on a. Et donc, pour revenir sur la musique, parce que j'ai fait une très longue réponse, Tout ça pour une idée. Donc c'est... Oui, la musique était très bien intégrée, et c'était, donc, c'était comme les parties classiques de Milvaux. Et après, il faut vrai voir si en table rouge, en carte rouge, ça fonctionne tout aussi bien, ou si c'est juste une notion d'univers que l'acception de la musique, ou plus une notion de mécanique pour le coup. Enfin, moi, c'est un peu la problématique que je me pose là maintenant, à la suite de ce playtest, enfin, si on peut l'appeler comme ça. Moi, je considère que c'en est un, puisqu'on a testé une nouvelle mécanique, enfin, on a testé une des mécaniques proposées dans celle depuis le début, puisque dans le début, déjà, il y avait une notion de. On peut le faire sans MJ ou avec MJ, il n'y a pas le nom de carte rouge, carte. Blanche, mais il y avait les ça dès la toute première version qu'on avait publié sur courant alternatif. Environ quelques fautes, quand même. Ok. C'est bon.